Bugira. La mise en onde est assurée par Dorino Imana. On s'excuse pour les 3 minutes qu'on vient de grignoter. Voici le journal de la mi-journée de ce 30 juillet 2019. Donc voici d'abord les grands titres. La carte de presse pour les journalistes ne sera pas automatiquement exigée. Nestor Banghomokonze, président du Conseil national de communication, l'a dit ce mardi lors de la remise, ce mardi des premières cartes de presse des cérémonies qui ont coïncidé avec la présentation du rapport annuel de cet organe de régulation, vous l'entendrez. Et certains citoyens burundais s'inquiètent du sort des anciens billets qu'ils détiennent encore. Ces billets ont été modifiés par la Banque centrale au début du mois de mai. Il réclame la prolongation de 3 mois donnée. Vous entendrez la réponse de la Banque centrale. Et au sommaire également, c'est plus de cette maladie dite pseudo-peste aviaire ou Newcastle qui a déjà emporté plus de 400 poules. C'est en Provence, Ngozi. Vous en avez l'habitude tous les mardis. Nous vous proposons la chronique santé. Aujourd'hui, on va vous parler du traumatisme psychologique. Voilà pour les grands titres. Politique, pour débuter cette édition, la cohabitation entre les partis politiques en province Kayanza est généralement bonne selon le gouverneur de cette province. Anissa Ndayidze indique que cette cohabitation est le résultat des réunions qui regroupent les responsables provinciaux de différentes formations politiques. Sur les grognes de certains partis politiques et faisant état de leurs militants marmenés, le gouverneur de Kayanza précise qu'il n'a pas encore reçu aucune plainte irrelative. Anissa Ndayidze précise qu'il n'a pas encore reçu aucune plainte, comme je le disais. Et Anissa Ndayidze appelle l'administration locale et les partis politiques au respect de la loi suivie. Me référant aux différents rapports que j'obtiens de la part des administratifs communaux, me référant aussi aux réunions déjà tenues au niveau provincial, au niveau communal, et me référant aux réunions tenues au niveau national, l'une s'est tenue à Gitega, l'autre à Bujumbura dernièrement, et je peux affirmer que dans la province de Kayanza, il y a une cohabitation pacifique entre les partis politiques. Il y a des informations qui disent que les membres du parti CNL sont malmenés. Est-ce que vous en est au courant? Comme je le disais tantôt, il y a un représentant provincial du parti CNL. Il ne m'a jamais communiqué ces problèmes. Le seul problème que je connais avec le parti CNL, c'est qu'à un certain moment, ce parti a voulu ouvrir une permanence provinciale. Et la maison là que le parti avait louée, il y avait des difficultés entre deux frères qui n'ont pas vu de la même manière de cette façon de louer la maison. Et on a dit que comme il y a des litiges entre les frères, ils ne vont pas occuper cette parcelle. Qu'est-ce que vous comptez faire afin de maintenir cette cohabitation dans votre province? On doit multiplier des réunions au niveau national. On nous a dit qu'il faut faire au moins une réunion par mois. Et c'est ce que nous allons faire. C'est là où on va traiter des problèmes. Et puis, j'ai recommandé aux partis politiques au niveau de la province de travailler dans le forum. Le parti au pouvoir a accepté. Et je pense que les autres partis aussi vont accepter d'entrer dans son forum. C'est là où ils vont discuter des problèmes éventuels qui peuvent arriver entre les membres. Et c'est tout. Il faut suivre la loi. Que ce soit les partis politiques, que ce soit l'administration, que ce soit la police, il faut respecter la loi. C'est ça qui va vraiment faire de sorte qu'on va continuer à organiser élections dans la paix, dans la tranquillité. Anissa Ndayidze, il est gouverneur de la province de Kayanza. Il répondait aux questions de notre consoeur Marie-Claire Kazeneza. Et des nids de poules qui étaient visibles sur certaines routes au centre-ville de Bujumbura ont été réhabilités à l'aide de goudron. L'exemple est de l'une de bandes de l'avenue Patrice Lumumba devant la banque de crédit de Bujumbura. Et à la gare du Nord, les usagers de ces routes se disent satisfaits, mais demandent que la poursuite de ces travaux, sur d'autres coins non encore réhabilités. Le point avec Moïse Misako. Sur certaines parties de l'avenue Patrice Lumumba, des nids de poules qui étaient à l'endroit communément appelé vélo-moto ainsi que devant le siège de la banque BCB ont été réhabilités. À ces endroits, la route est goudronnée. Les citadins qui exercent leurs activités aux alentours apprécient le travail fait. Je remercie beaucoup et tout en réparant les nids de poules qui sont remarqués ici tout autour. Vraiment, c'est une bonne initiative. Nous sommes très fiers de voir que cette route route qui passe devant BCB a été réparée, il n'y a plus de nid de poule. Et nous sommes très fiers parce que les voitures circulent très bien. Il n'y a plus d'embouteillage au niveau des feux lumineux. C'est très bien. Je remercie beaucoup et tout en réparant les nids de poule qui sont remarqués ici tout autour. Vraiment, c'est une bonne initiative. Sur le boulevard du peuple Murundi, devant Ego Hotel, de même qu'à la gare du Nord, des nids de poules qui s'y trouvaient ont été réparés à l'aide du goudron. Ce chauffeur du minibus, Iyas, se dit satisfait. Nous sommes satisfaits. Ces nids de poules causaient des accidents quand on essayait de les échapper. Mais maintenant, c'est bon. La route a été réparée. Il y a du goudron. Cela étant, dans certains endroits, ces nids de poules sont toujours visibles, comme sur l'avenue Patrice Lumumba, devant l'école Stella Matutina et devant la banque KCB, ainsi que sur le boulevard Mwedigisabo. Les usagers de ces routes demandent que ces nids de poules soient aussi réparés. Merci Moïse Misago pour tous ces détails. Après une courte pause, on va continuer en page économie. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Certains citoyens de différentes contrées du Burundi s'indignent que les anciens billets de 500, 2000, 5000, 10 000 francs burundais ne sont plus acceptés par les commerçants. Ces billets ont été remplacés par la Banque de la République du Burundi et la période donnée pour la fin du délai de la double utilisation de ces billets a été fixée de ce vendredi 2 août cette année. A commencer par le mois de mai dernier, lors de l'émission Aiwanyu Havugwamaki ce lundi sur la radio Isanganiro, ils ont demandé à la BRB de prolonger ce délai. Suivez certains de ces citoyens. Je suis en commune Minga Kayove, en province de Rutana. Beaucoup n'ont pas été au courant de son remplacement des billets. C'est à travers les communiqués lancés dans les églises. Beaucoup possèdent encore ces billets. Si tu vas faire des achats avec ces billets, les vendeurs n'acceptent pas de les prendre. Nous demandons aux responsables d'augmenter la durée relative à la remise de ces billets. Je suis en commune Nyabiraba, colline Matara. Nous aimerions savoir si le délai de remise de ces billets est arrivé à terme. Le constat est que les commerçants refusent de recevoir les anciens billets. Aujourd'hui, ça a été le pire, surtout chez les boutiquiers. Les gens ont mal compris l'appel de l'administrateur aux détenteurs d'anciens billets à les remettre dans les délais. C'est cette mauvaise interprétation qui est à la base du dit profit. Nous demandons aux instances habilitées de confectionner des billets pouvant résister pour une longue période. Certains commerçants refusent de recevoir nos billets alors que l'on savait qu'ils sont encore en circulation. Nous demandons que la période d'usage d'anciens billets soit prolongée au moins pour une semaine. Si nous amenons ces billets qui ont été modifiés pour les changer, les boutiquiers refusent alors que c'est eux qui devraient les faire changer à la banque. Est-ce qu'un simple citoyen pourra amener un billet de 500 francs ou de 2000 francs pour les faire changer à la banque? C'est pas facile. C'est un certain citoyen burundais qui se sont exprimés lors de l'émission Aiwanyu Havugwamaki qui passe à la radio Isanganiro tous les lundis et contacté à ce propos. La Banque centrale informe que ce délai reste en rigueur. Toutefois, elle rappelle les détenteurs de ces anciens billets de les faire échanger aux banques et établissements financiers auxquels ils peuvent accéder. Dépasser ce délai, 5% seront prélevés sur tout ancien billet échangé selon sa valeur, prévient la BRP. Et l'impôt locatif est collecté par l'Office burundais des recettes OBR sur l'exercice 2018 de près de 5 milliards de francs burundais. Comme écrit sur son site web, un impôt qui jusqu'à fin 2016 était perçu par la mairie de Bujumbura. Cet impôt touche les revenus annuels de plus d'1 800 000 et 1 franc burundais. La loi budgétaire des trois dernières années budgétaires stipule que 60% des recettes issues de l'impôt locatif et 40% au trésor public. Voilà, ce sont les détails que nous pourrons vous donner plus tard. Tout de suite, environnement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. En page environnement, 13h, 7 minutes, dans les studios de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org, mais également live sur Facebook. Il suffit d'aller sur Facebook, écrivez Isanganiro Burundi. Et n'oubliez pas de like. Des feux de brousse sont surgis ce lundi dans la réserve naturelle de Rukoko, entre la 8e et la 9e transversale de Gihangam. Et environ 2 hectares seraient partis en fumée selon les gardes forestiers contactés, les sources administratives à Gihanga par les deux dégâts minimes. Mais l'administrateur de cette commune met en garde la population qui exerce différentes activités dans cette forêt. Elle est accusée d'être à l'origine de ces incendies qui dévastent cette réserve forestière. Spes Caritas, Cabagna, la correspondance. C'était ce lundi pendant la journée, au moment où un incendie dans la Rukoko entre la 8e et la 9e transversale à Gihanga a alerté les gardes forestiers, la population et les forces de l'ordre qui sont vite intervenues pour éteindre, même si ce n'était pas facile selon les gardes forestiers contactés ce mardi matin. Les auteurs de ces feux de brousse n'ont pas été identifiés selon la même source, mais les cultivateurs qui travaillent tout près de cette réserve protégée sont suspectés. Il a fallu que la circulation des véhicules sur la RN5, la route Bujumbura-Rugombo, soit momentanément interrompue par les forces de l'ordre pour éviter d'autres dégâts puisque l'incendie était proche de cette route, selon les témoins sur place dans la Rukoko. Environ 2 hectares seront partis en fumée et la population rencontrée tout près de cette réserve nous a révélé que des feux de brousse se sont manifestés dans cette forêt de façon sporadique depuis quelques jours, notamment à l'intérieur de la réserve comme dans la localité communément appelée Mukimira-Basole. Le gouverneur de la province Bubanza, de son côté, nous a signifié que ces incendies étaient localisés de l'autre côté de la Rusizi en République démocratique du Congo. Au niveau de l'administration à Gihanga, on signale que les dégâts de l'incendie de ce lundi sont minimes. Moins d'un hectare serait parti en fumée. Léopold Ndayisaba, administrateur de Gihanga, met en garde toutes les personnes qui exercent différentes activités dans la Rukoko. Elles seraient les... Merci, Spes Caritas Kawanyana. On s'excuse pour le nettoyage qui n'était pas du tout fameux. Je vous l'avais dit en titre, remise ce mardi des premières cartes de presse aux journalistes lors des cérémonies du lancement officiel des cartes. Le président du Conseil national de la communication a rappelé que l'exigence de ces cartes ne sera pas automatique aux journalistes qui seront sur terrain. Dans ces cérémonies, le CNC a aussi présenté son rapport annuel et selon ce dernier, les médias ont généralement fait preuve de professionnalisme, sauf quelques manquements. Et Willy Nyamitwe, conseiller à la présidence chargée de la communication, a demandé aux journalistes d'être professionnels au banc Niyankuru. Au début, 400 cartes de presse seront octroyées aux journalistes, sur plus de 700 journalistes qui remplissent les conditions pour en avoir. Certains des journalistes qui ont reçu ces cartes de presse se disent satisfaits. Celui-ci dit que cette carte de presse va lui servir à accéder à certaines sources d'informations. Je pense bien que la carte va pouvoir nous aider à accéder plus facilement aux sources d'informations. Vous connaissez, vous avez sûrement rencontré des problèmes quand vous vous rendez dans un endroit où le médium pour lequel vous travaillez n'est pas très connu. Il a fallu montrer quelquefois, démontrer, expliquer à la personne intéressée pour quel médium vous travaillez. Et les médias ne sont pas connus au même niveau. Isanganiro et RTNB sont bien connus. C'est facile pour les journalistes qui travaillent pour ces médias de recueillir des informations quand vous êtes à l'intérieur du pays où vous n'êtes pas très connu. Maintenant qu'il y a une carte qui est connue au niveau national, je pense que cela va pouvoir nous aider. Surtout que c'est marqué ici, à l'envers, que les autorités civiles et militaires sont priées de laisser passer le porteur de la présente et lui apporter secours en cas de besoin. Le président du Conseil national de la communication, Nestor Bangumukunzi, a souligné que l'exigence de ces cartes de presse aux journalistes qui exercent leur métier n'est pas automatique. Dans son discours marquant les cérémonies de remise de ces cartes de presse aux journalistes, le conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République, Willy Nyamitwe, a demandé aux journalistes de rester professionnels et au CNC de n'octroyer ces cartes qu'aux journalistes qui le méritent. Le gouvernement de la République du Burundi est content de voir le statut de journaliste dépouillé de toute confusion. Car hier, des hommes politiques et d'autres ont pris la casquette de journalistes. Hier, des combattants, des hommes politiques et d'autres ont pris d'assaut le métier de journaliste pour dire au monde que le temps s'était arrêté au Burundi et que le ciel s'était refermé sur les Burundais. Les soubresauts de 2015 ont fait tomber leur masque. Nous exhortons le Conseil national de la communication à être tatillon dans l'analyse des dossiers de demande de la carte de presse et de ne la donner qu'aux professionnels, de n'attribuer la carte qu'aux professionnels qui connaissent bien le métier. Dans son rapport annuel de 2018-2019 sur les prestations des médias, Nestor Bangumukunzi dit que les médias ont généralement fait preuve de professionnalisme, sauf quelques manquements à corriger, comme le déséquilibre d'informations et autres. Merci, Oban Yonghulu, vous voudrez bien nous excuser. Willy Nyamitko, il est conseiller principal à la présidence chargée de la communication. Et l'impôt locatif est collecté par l'Office burundais des recettes Aubert sur l'exercice 2018 est de près de 5 milliards de francs burundais, comme écrit sur son site web. Un impôt qui, jusqu'à fin 2016, était perçu par la mairie de Bujumbura. Cette info touche les revenus annuels de plus d'1,8 million de francs burundais. La loi budgétaire des trois dernières années budgétaires stipule que 60% des recettes issues de l'impôt locatif et 40% au trésor public. Mireille Cagnac. La loi budgétaire exercice 2017, en son article 39, stipule que l'impôt sur les revenus locatifs, jusque-là perçu par les communes et la mairie de Bujumbura, est rapatrié au sein de la fiscalité de l'État gérée par l'Office burundais des recettes OBR. Le même article précise que 60% des recettes reviennent aux communes et 40% au trésor public. Quant à la loi régissant cet impôt sur les revenus provenant d'une activité de location des maisons, des terrains ou des biens mobiliers se trouvant dans une maison, souligne que les revenus inférieurs à 1 800 000 francs burundais ne sont pas imposés, se situer entre 1 800 000 francs burundais plus 1 franc et 3 600 francs sont imposés à hauteur de 20%, alors que les revenus supérieurs à 3 600 000 plus 1 franc sont imposés à hauteur de 30%. Et dans une réunion du 25 février de cette année entre l'OBR et le maire de la ville de Bujumbura, les administratifs et chefs de zones et quartiers de la mairie, c'est au cours de cette réunion qu'il a été communiqué que depuis 2016, l'impôt locatif collecté a toujours dépassé les prévisions et que pour l'exercice fiscal 2018, les recettes sont de plus de 4 milliards et 940 millions de francs burundais. Sur ce même site de l'OBR, l'impôt locatif collecté au cours de 2017 est de plus de 3 milliards de francs burundais. Les informations provenant de l'OBR précisent que 60% de cet impôt locatif sont directement transférés sur les comptes des communes, alors que pour la mairie, ce transfert se fait sur ses comptes, une situation qui se présente ainsi à la mairie, suite à une loi régissant les trois communes, jusqu'ici lacunaire. Merci Mireille Kanyang, et parlons élevage. En bref, plus de 400 poules sont déjà mortes dans la commune Tangala de la province Ngozi suite à la maladie de Newcastle, la Garouika en langue nationale, dans un délai ne dépassant pas un mois. Pierre Miwuro, vétérinaire communal, appelle les éleveurs de la commune Tangala à garder leurs volailles dans les poulaillers en vue de la prévention. Tout de suite, la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi revient sur le traumatisme psychologique et réaction émotive et persistante, résultat des événements éprouvants de la vie. Le neuropsychiatre Silver Sakoubou indique que c'est mieux de traiter le traumatisme à un stade plus précoce pour éviter qu'il y ait des complications, sinon la personne affectée peut finir par la dépression, ce qui peut amener, dans certains cas, songer au suicide. Francine Ndiokoukaye. Le traumatisme psychique est défini comme étant une blessure qui se fait au niveau de la mémoire. Selon le neuropsychiatre Silver Sakoubou, la personne affectée manifeste un comportement brutal et peut des fois finir par déprimer. Il y a plusieurs sortes de complications des traumatismes psychologiques, mais le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le passage à l'acte. Le passage à l'acte, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne se contrôle plus au niveau de son comportement, la façon dont il parle. C'est-à-dire la façon dont il entre en relation avec ses pairs. Vous allez voir, il y a un certain manque de souplesse adaptative face à des difficultés de la vie. Parce que les difficultés forment de la vie. Mais la façon dont une personne aborde ces difficultés, ça se voit très fréquemment. Et enfin, à une phase beaucoup plus évoluée, ce sont des gens qui finissent par déprimer. Déprimer pourquoi? Parce que dans leur comportement rigide, ils finissent par gêner la société dans laquelle ils évoluent. Et la société finit par les rejeter. Et quand c'est le rejet, vous comprenez très bien que la personne finit par justement déprimer. Ou bien, les gens vont finir par se réfugier dans l'alcool, dans les substances psychoactives ou stupéfiantes. Les médicaments sont certes nécessaires, mais les patients ont aussi besoin d'être accompagnés par les spécialistes dans le processus de réinsertion. Tout dépendra justement de l'état d'avancement justement de ces traumatismes pour pouvoir les aider. Il y a deux volets. Il y a une phase justement de début où vraiment les médicaments sont indispensables, sont nécessaires. Quand les gens sont déjà déprimés, ils ne dorment pas, ou bien il y a des médicaments qui sont indispensables, donc la chimiothérapie. Mais après la chimiothérapie, ce n'est pas que les médicaments qui vont mieux, non. Maintenant, il y a un certain accompagnement par des psychologues, ce qu'on appelle les psychothérapies. Mais en plus de psychothérapie, ça vise au niveau de la personne. Il faut pouvoir les réinsérer dans la société par une assistance sociale. Donc, une approche chimiothérapeutique des médicaments, une approche psychothérapeutique par les psychologues et une approche sociale. Donc psychosocial, pas des assistants sociaux. Il faut avoir des professionnels qui s'y connaissent, compétents, mais pas des gens qui s'improvisent. Quand les gens sont déjà formés, ils ont une expertise, une certaine connaissance et des compétences, là ils peuvent aider facilement. Le docteur Sakubo fait savoir que la prévention des traumatismes psychologiques est aussi possible. Comme on le dit souvent, il y a un proverbe français qui dit que vaut mieux prévenir que guérir. La prévention, c'est bon. Le traitement, on peut traiter justement. Quand on traite une pathologie en un stade beaucoup plus précoce, il va y avoir la guérison, ça c'est clair. Évidemment, si on traite le traumatisme psychologique avec des complications, il y aura des séquelles. Le rôle de la famille et de la société est indispensable dans la prévention de ces traumatismes. Le neuropsychiatre Silver Sakubo appelle à la contribution de tout un chacun. Merci Francine Ndihokubgayo. Parlons nécrologie avant de clore cette édition. C'est un sentiment de consternation au sein de la famille journalistique du Burundi. Pacheli Sindaruhuka, journaliste du journal Iwachu, n'est plus de ce monde. Depuis la nuit de lundi à mardi, suite à une longue maladie, il était jusque-là alité à l'hôpital Prince Jean-Charles, à la mairie de Bujumbura. Il est né sur la colline Bihemba de la colline Bugenyudi en province Karusi. C'était en 1971. Son parcours scolaire a commencé sur place où il a fait ses études primaires avant d'aller continuer ses études secondaires au lycée Mwaro à Musenyi en commune Tangara de la province Ngozi, mais également au lycée Kayanza. En ce qui concerne ses études universitaires, Pacheli Sindaruhuka fait la littérature anglaise à l'université du Burundi. À la radio Isanganiro, l'on se joint à la famille éprouvée, mais aussi à la famille des journalistes en général. Que son âme repose en paix. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Dorine Nouimana pour la mise en onde, à toute l'équipe de la rédaction. Je leur dis merci. Excellent après-midi à tous. Au revoir.